Bonjour Catherine. Bonjour Sarah. Donc je suis ravie de vous retrouver à l'antenne. Donc cette fois-ci, non pas pour parler des éditions ex aequo, mais pour parler de l'événement qui va se dérouler donc dans quelques jours à Plombières-les-Bains pour le festival littéraire qui s'appelle Les auteurs au balcon. Alors justement, et ça c'était l'objet de ma première question, donc le nom de ce salon, Les auteurs au balcon, d'où est né ce titre original de salon littéraire en fait ? Alors, c'est important de trouver un mot-clé qui regroupe en effet toutes les interactions du salon. Et En fait, la ville de Plombières comporte 1000 balcons. C'est la ville aux 1000 balcons. D'accord. Donc, on a dit que ça devenait l'événement clé de l'année. Et c'est de ça qu'est parti le titre, en fait. D'accord. Alors ça, voilà. Il fallait le savoir, parce que 1000 balcons, oui. Je sais. Oui, donc en se baladant dans Plombières, c'est vrai qu'il suffit de lever le nez pour voir tous ces balcons joliment peints en bleu Plombières, évidemment, hein, parce bah que oui. C'est une couleur définie et aussi. Oui. Et donc, il faut savoir qu'on aura près de 120 auteurs quand même, hein, qui viennent d'un peu toute la France, okay. Même de l'étranger. Super. Donc, 40 des éditions ex-aequo, on oui. En a 50 qui sont inscrits par la mairie. On en a une quinzaine avec la librairie Lire et Écrire de Remiremont qui fera aussi partie du festival. D'accord. 8 avec les éditions Deville, oui. F. Deville, et puis quelques-uns aussi avec la Société d'art et d'histoire de Plombières. Ça reste tout de même local, c'est bien, parce qu'il y aura quand même oui. Aussi du local, mais aussi de oui. L'international. Donc tout ça, c'est fait. Intéressant. Oui, oui. Il y aura tous les profils. On a vraiment de la France entière et même de l'étranger. Ah, c'est on super. On a quelques auteurs qui viennent de Belgique, des Pays-Bas. On a même un auteur qui vient du Maroc, mais qui est français, qui est installé au Maroc. D'accord. Donc quand même, oui. Ah oui, c'est bien. Mais du coup, monde. C'est un gros travail derrière, en plus d'organisation. Alors, ça, et de... c'est clair. C'est, depuis l'année dernière, en fait, depuis la première édition, on a recommencé à tout planifier. Ah, oui. Et là, c'est vrai que depuis quelques semaines, on sent que ça s'intensifie aussi bien en termes de communication que de réunions diverses oui. Et variées. Oui, oui, oui, bon, c'est un gros travail, sera... oui. Bon, mais c'est chouette, c'est un beau travail oui. Collectif. Alors, oui. Justement, on parlait donc du début du salon. Donc, le salon commence par une conférence le 24 juin qui est animée par Philippe Charlier, oui. Personnage très connu. Moi, j'ai été voir un peu ce qu'il avait écrit et d'ailleurs son dernier livre aussi par rapport à Picasso. C'est ça, voilà. Oui. Alors, justement, pouvez-vous nous en dire un peu plus de cette intervention en début de salon, parce que c'est un peu l'ouverture officielle le parrainage, du oui, salon. Oui. Alors, Philippe Charlier, en fait, il faut savoir que moi, je le connais parce qu'il fait partie de mon jury du prix Zadig, hein, pour revenir au oui, prix Zadig. D'accord. Et donc, en fait, il s'intéresse beaucoup aux éditions ex aequo. Et quand je suis allée le voir à Paris, à son musée, il m'a tout de suite proposé, enfin, on a parlé du salon, et il m'a dit que si j'étais d'accord, il voulait bien venir. Bah, j'ai dit évidemment que je suis d'accord. Ah oui, c'est une super opportunité, donc, c'est chouette. Donc c'est vrai que ça va être un très bel événement. On a défini ensemble le thème de sa conférence. Donc en effet, il va nous parler de l'évolution de ses travaux oui. Depuis un de ses ouvrages qui s'appelle Autopsie des morts célèbres oui. Jusqu'à son dernier publié il n'y a pas longtemps, là, aux éditions Gallimard, qui s'appelle Picasso sorcier. C'était avril 2022, je crois. Oui, de c'est mémoire. Ça. C'est vraiment c'est tout récent. Tout récent. Il est en pleine promotion oui. De son livre. Donc la conférence va durer une heure et elle sera suivie par des dédicaces. Donc, on a choisi quelques livres qu'il va dédicacer avec la librairie Lire et Écrire de Remiremont. D'accord. Et puis, oui, ça va vraiment être un temps fort du festival parce que... Alors, on aurait bien voulu qu'il reste tout le week-end, mais figurez-vous que c'est son anniversaire le 25. Bah voilà. Et donc, en fait, il est repris par d'autres événements à Paris. Puis ouais. Bon, on a vraiment, vraiment, faut le souligner, ça c'est très important de dire qu'on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir avec nous, vu son emploi du temps hyper chargé. C'est vrai que c'est très ah oui, puis Philippe Charlier, venir... enfin, voilà, je veux dire, ça oui, donne aussi même, oui. la mesure de la qualité de l'événement oui, aussi. Il a un CV long comme le bras, oui. Mais c'est vraiment quelqu'un d'adorable et de très passionnant et abordable surtout. Bon, donc super. Je pense qu'il va nous faire une superbe conférence, oui. Super. Alors ouais. Justement, quels sont les temps forts de ce salon ? Parce qu'en regardant un peu la programmation, on voit qu'il y aura des expos, des conférences, bien évidemment oui. Des auteurs, hein, tu l'as dit juste avant, oui. À peu près 120 auteurs. Est-ce oui. Qu'il y aurait quelques temps forts qui pourraient se dégager ? Un peu si, par exemple, en tant que visiteur, on a envie de se concentrer que sur quelques événements, même si je me doute que le choix doit être compliqué. Alors, le choix va être compliqué en effet, parce qu'il y a à la fois donc, la première, la conférence de Philippe Charlier, ensuite il y a deux autres conférences d'auteurs qui viennent au salon. Hein. D'accord. Il y a Thierry Aubrat et Denis Parisot qui vont donner des conférences. Il y a une exposition photo qu'il ne faut pas rater donc, à l'Office du Tourisme, qui est une exposition photo de Philippe Debièvre, qui est un artiste photographe qui nous vient de Suisse. Et il a fait une couverture pour nous, il a fait une couverture pour un livre ex-aequo qui est le livre « En toi » de Gabriel Kevlek. D'accord. Donc il travaille, son exposition s'appelle « Portrait en nudité », donc c'est à base de gomme bichromatée, c'est une technique particulière qu'il pourra vous expliquer puisqu'il sera sur place aussi. Ok. Et puis alors dans les temps forts aussi, on va avoir des extraits de pièces de théâtre qui vont être jouées par des comédiens dans la rue. Super. Tout au long du festival. D'accord. Voilà, je sais qu'il y a aussi une visite commentée de la ville par des animateurs de plombières eux-mêmes. Oui. Et puis, il y a un atelier d'écriture qui va se jouer. Il y a aussi des projections de films au cinéma par des, alors avec les auteurs des films en, qui seront là. D'accord. Voilà, enfin c'est vrai que c'est ultra complet. On a essayé de faire vraiment plein de temps fort tout au long du week-end et je pense que ça va vraiment animer Plombières. Après, ce qui est bien, c'est que vous ne vous concentrez pas, alors quand je dis vous, c'est vraiment l'équipe organisatrice, sur l'aspect littéraire de l'événement. Il y a plein d'autres choses autour et je pense que ça va attirer vraiment beaucoup de monde. Et pour peu qu'on vienne voir une expo photo et qu'on reparte avec plein de livres sous le bras, là, c'est gagné, quoi. Ah bah, c'est gagné, oui. Là, c'est super. Alors, Catherine, peux-tu nous rappeler donc les dates exactes, le lieu et où est-ce qu'on peut retrouver la programmation de l'événement ? Alors, les dates, ce sera donc le 24 pour la conférence de Philippe Charlet, le 24 juin, 15h30, au cinéma de Plombières. Ensuite, 25-26 pour le festival lui-même, dans des lieux qui sont répartis dans tout Plombières. D'accord. Alors pour ça, on a la page Facebook de l'événement, qui c'est donc Festival du Livre de Plombières, tout attaché sans accent. Ok. Donc vous retrouverez là-dessus un QR code à flasher. Alors ça, c'est super pratique, ça nous donne accès à un lien qui va vers Maps, un lien Google interactif, donc c'est super. Il y a toutes les manifestations dessus, il y a tous les lieux des auteurs. D'accord. Vraiment, soit flasher le QR code, soit cliquer sur le lien. Donc tout est sur la page du festival. Et alors, je voudrais aussi remercier tous les sponsors locaux. Hein, parce que ça, c'était très important. On a Termer, AXA, Ludovic Vincent, Efficace, Crédit Mutuel Remiremont-Vanier, ProviPlus, ICN l'imprimerie, Réseau Site, CPME 88, l'Assaut des auteurs Execo et Intermarché qui vient juste d'arriver. Eh bien, super. Donc, ce sera un franc succès. Et quand on sent toute la passion que tu y mets, on se dit que ça ne sera qu'un franc succès. Alors ça, c'est clair. La passion, et je pense qu'on est beaucoup à être vraiment passionnés par cet événement et à vouloir que ce soit une vraie réussite, et ça va l'être. Merci à toi. À très bientôt, Catherine. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.